son père ne voulait pas. Benvinguts a Hola la Música amb Rafael Corbí. Comencem amb Calo Guerra. Entre chat, qu'elle devienne petit rat d'opéra. Elle a vu une magique, petite boîte à musique, une danseuse mécanique. Elle s'inventait des spectacles uniques. Oh, comme elle s'envole, comme elle décolle. Fantàstic, aquest començament de la música, el vostre programa de música en francès. Us parla Rafael Corbí en aquesta hora que dediquem a la música cantada en francès amb el nostre espai. No perdem el temps avui. A vegades, navegant per internet, es poden trobar meravelles en format de blogs dedicats a qualsevol cosa. I en aquest cas, a la música en francès. La llàstima és que el blog que recentment també vaig descobrir només té 3 entrades i va publicar-se el 2012 i després, des de llavors, no s'ha publicat res més. A tal d'un J. Izquierdo, que m'agradaria poder parlar i poder descobrir música de manera conjunta. Un blog que va començar amb un artista que ja havíem escoltat alguna vegada també en el nostre espai, com és l'Alain Vachon, amb una de les seves cançons, un dels artistes, dels solistes preferits del nostre protagonista, amb la seva habilitat per a crear-se un univers propi, tan influenciat pels propis somnis. Ell va néixer a París, poc després del final de la Segona Guerra Mundial, i va morir el 2009, si no recordo malament, després d'un càncer de pulmó. Es va donar a conèixer a principis dels 80 amb la cançó Gabi o Gabi, tot i que ja havia publicat un parell d'àlbums a finals dels 70. Són moltes les seves cançons més conegudes i avui també en podríem descobrir alguna de les que en forma part a través d'aquest bloc. Així nosaltres ens hi hem introduït a la seva música amb l'Alain i totes les cançons que amb aquest univers seu en forma pas. Per tant, aquí el teniu entre nosaltres, per exemple, amb aquest Gabi o Gabi. Je me mouille, c'est ma dernière surprise partie. Je m'écrase le nez au hublot. J'ai mon contrat de confiance, l'encéphalo qu'il faut. J'ai du bol. savoir dire stop. Tu sais, c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Aquesta és la cançó que ens recomanava en primer terme el nostre protagonista d'aquest bloc. En la seva primera entrada del 2012 comentava que de ben segur que en parlaria més d'una vegada, però no va arribar a fer-ho. Un personatge del qual, segons ell, el disc més destacat, més conegut, és el Manel Gaef, amb cançons que se'ns acostava aquesta cançó, amb aquest Manel Gaef, amb del disco José Josephine, publicat el 1991 i composta al costat de Jean Foc, un escriptor que serà fonamental en la carrera de Vachon. Per tant, hi ha moltes cançons d'aquest disc que també es podrien escoltar, però és aquesta Manel Gaef que escoltem. Atomise les deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, ô ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin. On est loin, libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, oh, on est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Madame rêve, loin au ciel. On est loin, Madame rêve. Una peça que està subjecta a tot tipus d'interpretacions i és una de les més explícites de les que ens ha portat. Això suposo que deu recuperar una mica la grandària dels seus textos o els que li va compondre Fauquem al seu moment. Diu Izquierdo amb aquest bloc les seves lletres li recorden en certa manera a les que tenien amb el seu moment Héroes del Silencio, especialment amb aquell L'Espíritu del Vino. La música de la Lendon ens acompanya amb el programa d'avui amb aquestes cançons i què us sembla si també escoltem una tercera cançó, com us dèiem aquest Osei Josephine, que també pertanyia a aquest mateix àlbum. A l'arrière de Berlín en devine des monarques et leurs figurines. C'est une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénat, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Usez le sourire, usez l'usurier, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Thank you. Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Hauria sigut molt bonic i molt interessant que aquest bloc hagués continuat, perquè ens permet, dintre de la música que tenim, descobrir peces que, sens dubte, ens graven amagades, com aquesta que també ens porta al mateix anell. Estàs buscada pour chien qui n'en est mort pas. Labyrinthe conduit la mobile à des étreintes, loin du réconfort. J'passe de sas en sas, et mes visites s'espacent. Les ombres s'échinent à me chercher les noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. De l'étude au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser, des coups de latte, un baiser. Je passe sous silence mes avatars. Sur tes frasques, manipulé pourquoi pour un vasistas, loin du réconfort. J'passe de sas sans sas, et mes visites s'espacent. Les énormes cours et m'entraînent. Vers d'autres riveraines, vers la grande inconnue, loin du réconfort. De sas sans sas, et tes visites s'espacent. Les ombres se chinent à me chercher des noises. Le plus clair de mon temps dans ma chambre noire. Des lutubes au blizzard, des coups de latte, un baiser, des coups de latte. Un baiser, des coups de latte, un baiser. Genial, doncs, aquestes interpretacions que ens aportaven dins de les respostes amb aquest blog i amb aquests comentaris que feien, a part de felicitar-lo per la feina. Ens recomanaven també escoltar una cançó d'un altre artista que mai hem posat en el nostre espai. Un dels usuaris desconeguts feia, 6 anys després de la seva publicació, un suggeriment. Escoltar aquesta cançó d'en Jean Leloup. Es deia El món està plorant. I així nosaltres també hem volgut escoltar-la avui. Ladies and gentlemen, after 1 year, after 2 years, John the Wolf. Rassemblés, c'est le père et Bouddha et Krishna et Allah dans un même jean. Et c'est tout son gros sur le cœur. C'est pourquoi le meeting, c'est pourquoi le meeting. En effet, en ce jour de 1000 ans après Christ, force leur est d'avouer leur échec.

al mateix temps. És un personatge amb una personalitat molt marcada, nascuda a Villafranca, Solsaona, i es va traslladar a Lyon, una ciutat on li ha dedicat diverses cançons. El seu primer àlbum important va ser Rose Kennedy, que va sortir el 2001, i que té temes realment magnífics, com per exemple el Novembre tot l'any. És una cançó que ara mateix també volem escoltar amb el nostre programa de Olala Music, avui amb aquest petit homenatge amb aquest bloc. Escoltem amb en Benjamin Viole, amb aquesta cançó del seu àlbum Rose Kennedy. El 2009, en Benjamin va obtenir un enorme èxit de vendes amb La Superb, La Superbia, aquest àlbum. Una cosa que no devia agradar gaire a la multinacional EMI, ja que després de 15 anys amb ells, en Viole acabava de fitxar per Naive, un segell independent. El tercer tema d'aquest àlbum és Padam, una cançó que és la que més ens recomana el nostre protagonista d'aquest disc. Sa flamme changer les regards. Souvent je me suis pris pour un autre et j'ai fait de double faute, double sec, double dose, double dame avec les femmes d'un autre. À mon tour, j'ai bu le sang des vautours. J'ai cru les gens qui m'entourent, qui rêvent de bonheur, mais se foutaient perdument du nôtre. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qui me déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme. Si souvent sur la sellette, je rêvais de paillettes, long le chemin qui mène à la faillite dans presque tous les domaines. Si souvent j'ai broyé du noir, du lait, du magenta, du marre, de l'eau de vie, de l'art de vivre sans personne qui t'aime. J'attendais en vain que le monde entier m'acclame, qui nous déclare sa flamme dans une orgie haut de gamme. Bada bada bada bada bada bada. Acabarem aquest repàs també amb en Benjamin amb una tercera cançó, una peça que ens arriba des d'un dels seus darrers treballs en discogràfics, concretament el 2018 publicava el Songbook que obria aquest artista, que és compositor, músic, productor, cantautor i que és el germà gran de la cantant Coral Clement, els tres discos de la qual ha produït i ha escrit. També és l'exmarit de Chiara Mastroianni, la filla de Catherine Deneuve i Marcello Mastroianni, amb qui va tenir una filla de nom Anna. Cans, aquest estiu, és el títol de la cançó del nostre protagonista, en Benjamin Viola. Thank you. recevrai ce petit billet. Ma chérie, ne le flanquez pas au panier, puisque je vous invite à me suivre bien vite à Cannes cet été. Lorsque la croisette en grande toilette devant nous fera briller ses feux follets, je veux que votre épaule soit contre mon épaule. Oh, venez, venez à Cannes cet été. Y a tant d'étoiles sur terre et tant de fleurs au ciel. Tout ça avec vous, ça me rendra fou. Nous irons danser et nous irons traîner en passant le temps à s'aimer. Wow. La musique amb Rafael Corbí. C'est emmerdant. Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum. Tu me coûtes et je te colle. Un androgyne, un amant, un James Dean, une belle bagnole, des poils sur l'équipage. Amoureux, c'est emmerdant. Si j'avais le cœur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'ai le cœur comme du chewing-gum. Tu me goûtes et je te colle. Rouler des pelles attire l'arigot. Mon cœur d'artichaut me laisserait sur le carreau. Les garçons sont trop beaux, les garçons sont trop beaux, les garçons sont trop beaux, les garçons sont trop beaux, les garçons sont trop beaux, les garçons sont trop beaux. c'est emmerdant. Irrésistiblement emmerde, c'est amusant. Si j'avais le cœur dur comme de la pierre, j'embrasserais tous les garçons de la terre. Mais moi j'aime le cœur comme du chewing-gum. Amb aquesta recomanació es va acabar aquest bloc. Només tres posts de música francesa que no coneix ni el teu pare, així es titulava, càrrec d'en Jota Izquierdo. Llàstima, perquè ha sigut una bona manera de continuar, no sé què va passar-hi. Però ens recomanava la Brigitte, de qui només una cançó coneixia jo, i de fet amb el temps han publicat aquest duo format per l'Aureli Sada, la hippie, i la Sylvie Oro, que és la francesa originària de la illa Reunió i que es va trobar totes dues, ja havien col·laborat amb els seus grups respectius, amb el grup Vendetta de la Sylvie. Aquest disc que es deia Et vous t'aimes, que vol dir i tu m'estimes, i vostè, més aviat seria, m'estima, cançons com aquest cor de xicle, de xiclet, el tema més conegut, l'Olala, que escoltarem, o La revenja d'una lloba, que també és un dels temes que d'aquest àlbum podríem extreure. Bébé, accroche-toi, accroche-moi, les baisers, accroche-moi, accro à ta bouche, je suis croque de toi, ça fait boum, je craque quand tu me dis tout, pas que c'est si doux, oh là là, c'est si doux, doux, doux, doux, doux, doux, c'est si doux, oh là là, c'est si doux, doux, doux, doux, doux, doux, allez, danse. Trop autour du père de mes petits boulots. Hey, toi